Chapitre 6. Elle parut longue à Paul Cormier cette nuit qu'il passa tout entière à s'agiter dans son lit, sans pouvoir trouver le sommeil qui le fuyait, et dont il aurait eu grand besoin pour remettre un peu d'ordre dans ses idées. Le jour était levé depuis longtemps lorsqu'il put fermer l'œil, et il fut réveillé par sa femme de ménage qui vint lui dire que deux messieurs demandaient à le voir. Elle ne les connaissait pas, et il n'avait pas voulu dire leur nom. En d'autres circonstances, Paul aurait absolument refusé de les recevoir, mais il était dans le cas de ne pas renvoyer les gens, sans savoir ce qu'ils lui voulaient. Il leur fit dire d'attendre qu'il fût levé, et il sauta en bas du lit pour s'habiller rapidement. Son logement n'était pas si grand que les visiteurs qui se présentaient fussent hors de portée d'entendre ce qui se passait dans la chambre, où il couchait. La femme de ménage avait d'ailleurs négligé de fermer les portes de communication, si bien qu'une voix s'éleva, voix que Paul reconnut et qui disait « Ne fais pas tant de façons, c'est moi Bardin, et je suis avec un ami qui te dispense de toute cérémonie. Tu peux nous recevoir en chemise si tu veux. » « Entrez alors, » cria Paul, tout en se demandant qui Bardin lui amenait. Dans la situation où il était, tout l'inquiétait. Il se rassura en voyant l'estrigou, mais il ne devina pas ce que venaient faire chez lui, si matin, les deux vieux avocats qu'il avait quittés la veille au soir. « Encore au lit, j'ai un homme ?» lui dit le ci-devant bâtonnier. « Quelle heure est-il donc ?» demanda Paul en passant un pantalon. « Midi passé et très passé, mon garçon, » répondit Bardin. « À quoi donc as-tu employé ta nuit, que tu te réveilles si tard ? Est-ce que tu as encore fait des bêtises ?»« Oh non, à minuit j'étais au lit. Seulement j'ai eu beaucoup de peine à m'endormir. »« Parce que tu as l'habitude de te coucher à des heures indues. L'estrigou et moi ce matin nous étions debout dès l'aurore, et pourtant l'estrigou avait passé l'autre nuit en chemin de fer. Tu ne te doutes pas d'où nous venons ?» « Pas du tout. Nous venons de l'avenue Montaigne. » L'estrigou avait hâte de voir cette marquise de Ganges pour lui demander l'adresse de l'héritière. J'ai eu beau lui dire qu'il ne fait pas jour chez les marquises avant 4 heures du soir, il a voulu absolument se présenter chez elle le matin. « Et elle vous a reçu ?»« Ah bien oui. Nous nous sommes heurtés à un grand laquais galonné sur toutes les coutures, qui a commencé par nous répondre que sa maîtresse n'était pas visible. Nous avons insisté. » L'estrigou a donné sa carte sur laquelle il avait écrit quelques mots pour indiquer le but de sa visite. Le laquais a refusé de s'en charger. Et comme je me fâchais, il a fini par me dire que madame la marquise était en voyage. « C'est peut-être vrai, » murmura Paul. Madame de Ganges, la dernière fois qu'il l'avait vue, lui avait annoncé qu'elle était à peu près décidée à quitter Paris. « Je n'en ai pas cru un mot, » reprit Bardin. « L'estrigou non plus. « Quelle raison a cette dame pour se cacher ? Nous n'en savons rien. » Mais certainement elle se cache. Nous pouvons nous passer d'elle. Mais il nous faut l'héritière, et je viens de décider l'estrigou à s'adresser à la préfecture de police qui saura bien la retrouver. « Vous ne ferez pas cela, » s'écria Paul. « Et pourquoi pas ? Parce que vous compromettriez une femme qui n'a peut-être rien à se reprocher. Qu'en sais-tu ? Est-ce que tu la connais ? Non, mais elle est très honorablement connue à Paris. Et si vous faisiez intervenir la police dans une affaire où son nom serait mêlé, vous lui feriez le plus grand tort. J'en serais bien fâché, dit l'estrigou. Je suis un vieil ami de la famille, et quand elle était jeune fille, je n'ai jamais eu qu'à me louer d'elle. Le diable, c'est que je ne sais comment m'y prendre pour mettre la main sur Bernadette. Bernadette, répéta Paul, qui entendait pour la première fois prononcer ce nom-là. Eh oui, Bernadette Lamalou, l'orpheline que mademoiselle de Marcillargues a recueillie à Fabrègues, et qui ne l'a pas quittée depuis 5 ou 6 ans. « Cela-là aussi m'intéresse, et il me tarde de m'aboucher avec elle. Si je connaissais un moyen d'y parvenir sans mettre sa protectrice en cause... »« Vous voulez que j'essaie, moi ?» demanda brusquement Cormier. « Vous, jeune homme ? Eh, mais ça n'essaierait pas des refus. Et j'y croyais qu'il... »« Perds-tu l'esprit ?» s'écria Bardin. « Comment feras-tu pour... »« Ne me demandez pas d'explication. Je ne pourrais pas vous en donner. Mais je m'engage à vous dire ce soir si la marquise de Ganges est encore à Paris. » Et si sa protégée habite avec elle. » Bardin consulta d'un coup d'œil son ami l'estrigou, qui approuva d'un signe de tête. « Quand les sages sont à bout de leur latin, » dit en haussant les épaules le vieil ami de madame Cormier, « ce qu'ils ont de mieux à faire, c'est de passer la main à un fou. Va donc, mon garçon, tu as carte blanche, jusqu'à demain. Nous attendrons ton rapport avant de commencer des démarches officielles. Nous l'attendrons chez moi, jusqu'à midi. Et maintenant, sois libre de ton temps. » « Tu n'en as pas à perdre si tu veux réussir. J'étais venu te chercher pour m'aider à faire à l'estrigou les honneurs de ton quartier latin, qu'il veut absolument revoir. Mais je la lui ferai sans toi. Au revoir, à demain matin. » L'estrigou n'ajouta rien, il s'était mis sous la direction de Bardin, et il ne voyait plus que par ses yeux. À Montpellier, c'eût été l'inverse. Mais à Paris, l'ancien bâtonnier se trouvait tout dépaysé, et il sentait la nécessité de se laisser guider par son vieil ami. Cormier les laissa partir bien volontiers. Il l'aurait gêné. Il le gênait déjà. Mais il ne regrettait pas de les avoir vus. Leur arrivée l'avait tiré de la torpeur où il était après une mauvaise nuit, comme un coup de fouet remet le cœur au ventre à un bon cheval accablé de fatigue. Son esprit, engourdi par un lourd sommeil, succédant à une longue insomnie, s'était réveillé tout à coup. Ses idées s'étaient éclaircies, et il voyait enfin la situation telle qu'elle était. Il ne s'agissait plus de chercher des combinaisons pour arriver à pénétrer les secrets de la marquise. Il s'agissait de l'avoir à tout prix, qu'elle le voulût ou non, et d'avoir avec elle une explication décisive, pas pour l'accabler de reproches, comme il l'avait résolu la veille, mais pour exiger d'elle la vérité sur tous les points, et pour rompre, s'il acquérait la certitude qu'elle s'était moquée de lui. Il ne croyait pas à son départ précipité, et il se promettait de faire, s'il le fallait, le siège de son hôtel jusqu'à ce qu'elle consentît à l'entendre. Autrement, il n'avait pas de plan arrêté. Il comptait s'inspirer des circonstances. Il acheva de s'habiller et il déjeuna en toute hâte, comme il l'avait fait le jour de sa première visite à Madame de Ganges, le lendemain du duel. Et cette fois, quand il descendit dans la rue, il n'y aperçut pas de fiacre suspecte. Brunachon semblait avoir désarmé, car il n'avait plus donné signe de vie à Cormier depuis qu'il s'était trouvé face à face dans le cabinet du juge d'instruction. Peut-être comptait-il sur l'appui du vicomte de Servon pour monter une agence de renseignement. Et quoi qu'il en fût, Paul n'avait plus à se préoccuper des attaques de ce maître chanteur, car Paul n'avait plus rien à cacher de ce qui le concernait personnellement, et il ne se croyait plus tenu de préserver Madame de Ganges d'une dénonciation. En descendant de voiture à l'entrée de l'avenue Montaigne, il s'assura d'un coup d'œil que ce drôle ne rôdait pas aux abords de l'hôtel, et il se glissa en rasant les maisons jusqu'à la porche cochère qu'il s'attendait à trouver fermée. À sa grande surprise, il la trouva non pas ouverte, mais largement entrebâillée. C'était une heureuse chance, et il n'hésita pas à en profiter pour entrer sans sonner. Il prévoyait qu'il n'irait pas loin sans avoir maille à partir avec le valet récalcitrant qui lui avait barré le passage lors de sa première et unique visite. Il ne vit personne, et au lieu de manifester sa présence en appelant, il traversa vivement la cour et pénétra dans le jardin où la marquise l'avait reçu. Si elle y était, il allait la surprendre, et elle ne pourrait pas lui échapper. Il ne souhaitait rien de mieux, car le lieu était propice entre tous à une explication décisive, qui pouvait devenir orageuse. La marquise n'y était pas. Il fit le tour du jardin sans la rencontrer, et sans qu'aucun domestique ne se montrât. Paul se demanda si l'hôtel était abandonné, et il fut tenté de croire que Madame de Ganges avait vraiment quitté Paris, en emmenant tout le personnel de sa maison. Une découverte qu'il fit changea le cours de ses idées. Sur le banc où il l'avait vue assise, au pied d'un acacia, il aperçut un sabre, une giberne et un fusil minuscule, tout l'attirail d'un petit garçon qui aime jouer aux soldats. « Ah » murmura-t-il en pâlissant, « l'enfant est à elle. » Il n'y avait guère moyen d'en douter. Ces jouets oubliés là attestaient que le jardin de l'hôtel servait aux ébats d'un enfant, et que cet enfant était un garçon, car les petites filles n'ont pas coutume de s'amuser avec des réductions d'ustensiles militaires. Les petites filles s'amusent avec des poupées. Et ce garçon ne pouvait être que le belliqueux gamin qui s'était si bien gendarmé la veille contre un gardien du Luxembourg. En fait de joujoux, celui-ci préférait les sabres. Et si la marquise venait de quitter Paris, il était permis de supposer qu'elle l'avait laissé pour compte à Mirande. Son garde du corps, Coussergue, était resté pour veiller à ce que Mirande ne se débarrassât pas du petit en le déposant à la préfecture de police, comme il aurait déposé un parapluie trouvé dans la rue. Tout s'expliquait ainsi, et Madame de Ganges, qui n'avait pas cessé de mentir à Paul Cormier, depuis qu'elle le connaissait, Madame de Ganges, fille-mère ou épouse infidèle, ne méritait pas que Paul la défendît. Ses indignations le reprirent, et cette fois, il ne se donna pas la peine d'examiner le pour et le contre, ni même de chercher un valet qui le renseigna sur le brusque départ de la dame. Il ne pensa qu'à sortir de cet hôtel où il se jurait de ne plus remettre les pieds. Que lui importait maintenant l'héritière aux 6 millions? Il avait promis à Bardin et à Lestrigou de leur dire où il trouverait cette protégée introuvable. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Il leur dirait qu'elle avait probablement quitté Paris avec sa protectrice et il ne se gênerait plus pour leur dire tout ce qu'il savait sur la marquise. Ah, l'Estrigou, maintenant, pouvait bien s'adresser à la police. Paul n'interviendrait pas pour l'en empêcher. Il s'en alla comme il était venu, sans rencontrer personne, et il trouva la porte entrouverte comme il l'avait laissée. Rien ne bougea dans cette vaste demeure où les domestiques étaient nombreux. On eût dit le château de la Belle au bois dormant. Paul, une fois dehors, se demanda comment il emploierait le reste de sa journée. Il serait bien allé rue des Arquebusiers, à seule fin de renseigner ses vieux amis, mais il n'espérait pas les y trouver. Il avait annoncé l'intention de parcourir le Quartier Latin en quête de leurs anciens souvenirs, et cette tournée rétrospective les retiendrait probablement plusieurs heures. Mieux valait que Paul attendît au lendemain pour leur faire son rapport. Et comme il éprouvait le besoin de confier ses peines à un ami, il songea aussitôt à se rendre chez Mirande et à lui dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Il cherchait des yeux une voiture lorsqu'il vit venir à lui le vicomte de Servon. Ce gentilhomme arrivait du côté des Champs-Élysées, et il avait tout l'air d'aller faire une visite à la marquise. Il l'avait à peu près annoncé la veille cette visite, en causant avec Paul au café Soufflot, et il était tout naturel qu'il la fît. Paul aurait voulu l'éviter, car il n'était pas disposé à le prendre pour confident, mais le vicomte l'avait aperçu de très loin, et Paul n'avait plus le temps de se dérober. Ils s'abordèrent poliment, et le premier mot de M. de Servon fut « Vous venez de voir Mme de Ganges, je suppose ?»« Je n'ai pas été reçu, » répondit évasivement Cormier. « Peut-être, monsieur, serez-vous plus heureux que moi. »« Ma foi, je vais essayer. » Et comme j'ai eu l'honneur de vous le dire, hier, je me propose de lui signaler les manœuvres de l'homme qui vous a dénoncé et qui pourrait la calomnier si on y met ordre. C'est ce que j'aurais fait si je l'avais vu. Mais vous êtes mieux à même que moi d'agir contre ce misérable, puisque vous connaissez tous ses antécédents. Monsieur de Servon avait cette finesse que donne la pratique du monde et des hommes. Il remarqua très bien que l'étudiant paraissait ne plus s'intéresser autant à Madame de Ganges. Et pour savoir à quoi s'en tenir sur les sentiments qu'elle lui inspirait, il se mit à parler d'elle sur un ton plus dégagé que respectueux. « C'est en vérité une étrange personne que cette marquise, dit-il en souriant. On lui pardonne tout, parce qu'elle est adorablement jolie. Mais il faut convenir qu'elle a fait tout ce qu'il fallait pour se déclasser. Tout autre qu'elle y aurait réussi depuis longtemps. Mais le monde a de ces indulgences pour les femmes qui savent se bien poser dès le début. Décidément, elle est très forte. » Paul aurait volontiers fait chorus avec M. de Servon, mais il lui déplut de l'entendre traiter si légèrement Mme de Ganges, et, de par son instinct d'amoureux mal guéri, il essaya de la défendre. « J'ignorais qu'on médite d'elle dans les salons où on la reçoit, » répliqua-t-il assez sèchement. « Oh, pas dans cela, mais elle ne tient pas à Paris le rang auquel son nom et sa fortune lui permettraient de prétendre. Et lorsqu'on saura comment son mari est mort, elle va se trouver dans une situation difficile. » Mais nous sommes, vous et moi, disposés à la soutenir, et tout s'arrangera, j'en suis persuadé. » Paul ne répondit pas. Il cherchait une transition pour prendre congé sans brusquerie de ce causeur malveillant. « Elle est singulière en tout, » reprit l'indiscret vicomte. « Avez-vous remarqué, cher monsieur, qu'elle ne se dégante jamais ?»« Non, balbutia Cormier, je l'ai si peu vue. » »« Elle a encore une autre manie, celle de ne jamais permettre qu'on lui serre la main, pas même le bout des doigts. » Paul s'en était aperçu deux fois. Mais il ne lui convenait pas de le dire, et il prit un air étonné qui n'arrêta pas le cours des médisances du vicomte, car il ajouta « Il paraît qu'elle est affligée d'une infirmité bizarre. La peau de ses mains est glacée comme la peau d'un serpent. Quand elle était jeune fille, ses compagnes l'appelaient la main froide. Si jamais elle faisait une exception en ma faveur, je me figure qu'en la touchant, j'éprouverais une impression désagréable. » Et comme Paul persistait à ne pas répondre, M. de Servon reprit gaiement « Je ne sais pourquoi je vous parle de cela, cher monsieur. Ce sont des bruits de salon qui ne valent pas qu'on les rapporte. Et qu'ils soient fondés ou non, Madame de Ganges est charmante. Et puis il y a le dicton « main froide, chaudes amours ». J'incline à croire qu'il s'applique très bien à la marquise. Je voudrais qu'il me fût donné d'en faire l'expérience, mais je ne l'espère pas. Et je vous quitte pour aller lui présenter mes hommages très platoniques, si elle veut bien ne pas me fermer sa porte. « Au revoir, et toutes mes excuses de vous avoir retenu si longtemps. » Cormier se garda de le retenir. Ce gentilhomme l'agaçait avec ses insinuations et son persiflage, dont il n'apercevait pas le but. Cormier voulait bien maudire Madame de Ganges, mais il avait souffert impatiemment qu'un autre en dît du mal devant lui, et il ne pensa qu'à s'éloigner, pour éviter de rencontrer de nouveau M. de Servon, quand il sortirait de l'hôtel de la marquise absente. Il tourna donc à droite, et il se jeta sous les arbres, afin de gagner le quai en passant derrière le palais de l'industrie. Là, il sauta dans une voiture, et il se fit conduire au boulevard Saint-Germain. Il en fut pour sa course. Birande était sorti avec le petit garçon. Paul l'avait manqué d'un quart d'heure. Le concierge lui dit qu'il était sorti à pied. Paul pensa qu'il devait être allé au Luxembourg, comme il le lui avait annoncé la veille, et Paul remonta en fiacre pour l'y aller rejoindre. Il savait ce que son camarade y allait faire, chercher la mère de l'enfant perdu, ou plutôt l'y attendre. C'était une raison pour que Paul, qui la cherchait aussi, et qui croyait la connaître, se rendit là où il lui restait quelques chances de la rencontrer. Il descendit devant la grille qui borde la rue de Vaugirard, à la hauteur de la rue Ferron, paya son cocher et entra dans le jardin, bien décidé à n'en pas sortir avant d'avoir trouvé son camarade. Mirande venait là comme un pêcheur va tendre ses filets. L'enfant allait lui servir d'appât pour attirer la mère. Mirande avait dû s'établir à la place où la mère avait laissé la veille ce singulier petit garçon. Paul commença donc sa tournée par ce bout de la terrasse. Il reconnut la boutique à joujoux près de laquelle le gamin s'était retranché pour résister à l'adjudant qui voulait l'emmener. Mais il ne vit ni Mirande ni le jeune Roc. Sans doute il les avait devancés et il n'allait pas tarder à paraître. L'idée lui vint d'interroger la marchande en lui expliquant comment l'enfant était habillé. Et cette femme lui répondit qu'il venait à peu près tous les jours avec sa mère vers 4 heures. Elle l'avait encore vu la veille, et comme elle avait fermé boutique de bonne heure, elle n'avait pas assisté à la scène avec le gardien. Paul, ainsi renseigné, poussa plus loin sur la terrasse, dans la direction de la pépinière, afin de s'assurer que Mirande ne se promenait pas de ce côté-là. Il ne le rencontra point et il rebroussa chemin, dans l'intention de revenir à son point de départ et d'y rester. Ce n'était pas dimanche, et le temps n'était pas très sûr. Il y avait peu de monde sur la terrasse, quelques femmes assises par-ci, par-là, sur des chaises. Paul, avant de revenir sur ses pas, se mit à les passer en revue. Il resta pétrifié en apercevant la marquise de Ganges. Elle était assise à la place qu'elle occupait déjà le jour où il l'avait rencontrée pour la première fois, au bout de la terrasse du côté de l'allée de l'Observatoire, adossée au piédestal d'une statue, la même et absolument seule. Elle ne voyait pas Paul Cormier et elle ne l'avait pas remarqué. Lorsqu'il avait passé devant elle, pas plus qu'il ne l'avait remarqué. Ce n'était pas elle qu'il cherchait, c'était Mirande et le petit garçon. Mais il suffit qu'il aperçût Madame de Ganges pour qu'il oubliât ce qu'il était venu faire au Luxembourg. Il la retrouvait enfin, cette marquise introuvable, qui faisait dire par ses gens qu'elle avait quitté Paris. L'occasion était belle pour lui demander une explication qu'elle lui devait bien, et il alla droit à elle, résolu à en finir et à ne pas la ménager. Il fut presque brutal. Au lieu de la saluer en l'abordant, il fit ce que Mirande avait fait le dimanche de la première rencontre. Il s'empara d'une chaise et il s'assit en face d'elle sans prononcer une parole. Elle pâlit et fut sur le point de se lever, mais elle resta, et elle lui dit d'une voix altérée par l'émotion « Je vous en supplie, monsieur, laissez-moi. »« Désolé de vous refuser, » répliqua-t-il durement. « Je me suis présenté chez vous, et vous n'y étiez pas. Puisque je vous rencontre, il faut absolument que je vous parle. »« Pas maintenant. » Je vous recevrai quand vous voudrez, mais en ce moment je ne puis pas vous entendre. Vous m'entendrez pourtant, car je vous préviens que si vous quittez la place, je vais vous suivre. Ce sera, si vous voulez, une nouvelle promenade en fiacre. Mais cette fois je ne descendrai pas en route pour vous être agréable. Vous vous êtes moqué de moi. Que vous ai-je fait pour que vous preniez ce ton avec moi ? Demanda Madame de Ganges, qui se remettait peu à peu de son trouble. Vous vous êtes moqué de moi, vous avez menti. Il faut bien que j'appelle les choses par leur nom. « Je n'ai jamais menti de ma vie, » interrompit froidement la marquise, « excepté le jour où vous m'avez juré que mon ami Jean de Mirande vous était indifférent. Vous vous trompez, je vous ai dit que je ne l'aimais pas, et que je ne pouvais pas l'aimer, voilà tout. Oh, je ne viens pas vous faire une scène de jalousie. Vous n'en avez pas le droit, » dit avec beaucoup de dignité Madame de Ganges. « Il vous a plu de me déclarer que vous m'aimiez, moi que vous connaissiez à peine. Je ne vous ai pas encouragé, et surtout, je ne vous ai rien promis. Que me reprochez-vous ? D'avoir essayé de me faire jouer un rôle ridicule en vous servant de moi pour en venir à vos fins. Je ne comprends pas. Vous comprenez très bien. Votre but, je ne l'ai pas encore deviné. Mais je suis certain que vous n'oseriez pas l'avouer. Et tenez, je voudrais que Mirande fût ici. Peut-être vous décideriez-vous à jouer carte sur table. Il y viendra, du reste. » Madame de Ganges tressaillit, mais elle ne dit mot. « Oui, madame, je comptais l'y trouver et je vais l'attendre. Comme il vous plaira, monsieur. » « Vous êtes libre de rester, et je suis libre de partir. Pas seul. » Est-ce à dire que vous prétendez me suivre malgré ma volonté ? Je prétends que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Hâtez-vous alors et parlez clairement. Que voulez-vous de moi ? Je veux la vérité. Sur quoi ? Paul hésita, retenu par un reste de délicatesse qui l'empêchait de blesser une femme qu'il aimait en lui posant à brûle-pourpoint une question qu'il avait sur les lèvres. La passion l'emporta et il lui dit brusquement « Vous n'avez jamais eu d'enfant ?» Cette fois, la grossièreté était si forte que les larmes vinrent aux yeux de Madame de Ganges. Mais elle resta maîtresse d'elle-même, et ce fut avec calme qu'elle répondit « Jamais, monsieur. Pourquoi me demandez-vous cela ?»« Parce que je croyais que vous en aviez un. » « Et sur quoi fondiez-vous cette supposition offensante pour moi ?»« Offensante ? Mais non, puisque vous n'êtes veuve que depuis 3 jours. Vous étiez mariée, je pense, depuis plusieurs années. Vous pouvez bien avoir eu un enfant de votre mari. Si j'en avais un, il ne me quitterait pas, et vous ne l'avez jamais vu avec moi. Non, je n'ai vu que ses joujoux, qu'il a oubliés sur un banc de votre jardin. J'y suis entrée aujourd'hui dans ce jardin. La porte de votre hôtel était ouverte, et je n'ai pas trouvé un de vos gens pour me répondre. » Et de ce qu'un enfant a laissé ses jouets chez moi, vous concluez que je suis sa mère ? J'ai d'autres preuves. Lesquelles, je vous prie ? Comment vous appelez-vous de votre petit nom ? Marcel, répondit sans hésiter la marquise. Vous avez donc 2 noms ? L'autre, c'est Jacqueline. Vous me l'avez dit en voiture dimanche dernier. C'est vrai, je m'en souviens. Vous me pressiez de vous l'apprendre, et à ce moment-là, je ne savais pas encore si je vous reverrais jamais. Je vous ai donné le premier nom qui m'est venu à l'esprit. Du reste, un quart d'heure après, vous avez pu entendre mon amie Madame d'Ozulé me nommer Marcel. Marcel de Marzillargues, alors ? Oui, je suis né de Marzillargues. Comment le savez-vous ? Je ne vous l'ai jamais dit. Qu'importe comment je le sais. Par mon mari, peut-être, balbutia Madame de Ganges légèrement troublée. Non, madame, ce n'est pas votre mari qui m'a renseigné. Qui donc, alors ? Connaissez-vous à Montpellier Maître Lestrigou ? L'ancien bâtonnier ? Oui, certes. Il était l'ami et le conseil de mon père. Mais il y a plusieurs années que je ne l'ai vu. Il ne tiendra qu'à vous de le voir. Je le voudrais, mais il est si âgé qu'il ne se déplace plus. Il est à Paris. Depuis quand ? Demanda la marquise tout étonnée. Depuis hier soir. Il est venu tout exprès pour vous. Pour moi ? Que ne m'a-t-il écrit ? Il se serait épargné la fatigue de ce long voyage. Il ignorait votre adresse. Il l'a apprise tout récemment. Et il s'est présenté ce matin à votre hôtel. Vous avez refusé de le recevoir. « Je n'étais pas chez moi, » dit vivement Madame de Ganges, « et si je savais où il loge à Paris ?»« Je le sais, moi, et je vous le dirai, quand vous aurez répondu aux questions que je vais vous adresser. »« Parlez, monsieur. » Paul prit un temps pour se préparer son effet, et quand il lut dans les yeux de Madame de Ganges une inquiétude qui ressemblait fort à de l'anxiété, il commença ainsi. « Vous souvenez-vous des séjours que vous faisiez au château de Fabrègues avant votre mariage ?»« Oui, certes, » répondit sans hésiter la marquise. « Alors vous vous souvenez aussi d'une petite paysanne, une orpheline, à laquelle vous vous intéressiez ?»« Et à laquelle je m'intéresse encore, oui, monsieur. »« Eh bien, monsieur Lestrigou la cherche. Il ignore où elle est, et il pense que vous ne l'ignorez pas. Pourquoi la cherche-t-il »« Pour lui annoncer une bonne nouvelle. »« Je ne comprends pas. Expliquez-vous, monsieur, je vous en prie. »« Elle hérite d'une fortune énorme. »« C'est impossible, ses parents étaient pauvres. » Son père s'est enrichi en Californie, où il est mort, en lui laissant 6 millions. « Que dites-vous ? » murmura la marquise très émue. « La vérité, madame, la succession est liquide. Monsieur Lestrigou a fait toutes les démarches nécessaires. Votre protégé n'a qu'à entrer en possession. Seulement, il faut qu'elle se montre. Et si elle ne se montre pas, le brave homme qui la cherche va s'adresser à la police, qui saura bien la trouver. Moi, je la trouverai, et monsieur Lestrigou la verra chez moi. Quand ? Quand il lui plaira. « Cela suffit, madame. Monsieur Lestrigou est descendu à Paris chez un de ses anciens amis, qui est aussi un vieil ami de ma famille. Je ne suis pas certain de le rencontrer aujourd'hui, mais j'irai demain matin lui annoncer que vous êtes prête à le mettre en présence de Bernadette Lamalou. »« Vous savez son nom ?» s'écria Madame de Ganges. « Pourquoi Monsieur Lestrigou me l'aura-t-il caché ?»« Il a confiance en moi, et il m'a raconté toute l'histoire de cette jeune fille. »« Que vous a-t-il dit d'elle ?» demanda vivement la marquise. Qu'elle a été élevée avec vous au château de Fabrègues, qu'elle vous a suivi à Montpellier et qu'après votre mariage, elle ne vous a pas quitté. Vous avez fait avec elle de longs voyages. Monsieur Lestrigou a perdu sa trace, et même la vôtre. Il ne vous a dit que cela. Il m'a dit aussi que vous n'avez pas trouvé le bonheur avec Monsieur de Ganges et que vous avez dû vous attacher encore davantage à votre protégé. C'est vrai, son amitié m'a consolé de bien des chagrins, mais elle a souffert encore plus que moi. Eh bien, ces mauvais jours sont passés, la voilà riche. Ce n'est pas de la pauvreté qu'elle a souffert, murmura la veuve du marquis. La pauvreté n'est rien. J'ai toujours été riche, et je n'ai jamais été heureuse. Que vous a-t-il donc manqué pour l'être ? Demanda Paul en regardant fixement la marquise. Il m'a manqué d'être aimée, répondit-elle sans hésiter. Qu'en savez-vous ? Ne me dites pas que vous m'aimez. Je ne pourrais pas vous croire. Et alors même que vous ne vous feriez pas illusion sur la nature du sentiment que vous prétendez avoir pour moi, je ne pourrais pas y répondre. C'est trop tard, ma vie est finie. Je n'ai plus qu'une seule affection, celle que je porte à Bernadette. Elle aussi a souffert par le cœur. La blessure qu'elle a reçue saigne encore. Et si je parvenais à la guérir, je ne demanderais plus rien à Dieu. » Cette déclaration désespérée, qui n'éclairait pas Paul Cormier sur la situation des deux amis, ne le toucha pas, comme elle aurait dû le faire s'il eût été moins prévenu contre Madame de Gange. L'enfant recueilli par Mirande ne lui sortait pas de la tête, et les réponses de la marquise ne l'avaient pas convaincue qu'elle n'était pas la mère de ce garçonnet, qui oubliait ses jouets chez elle. Il n'avait pas poussé à fond l'interrogatoire, et il s'était perdu dans des questions accessoires sur le passé de Mademoiselle de Marcillargues, avant de lui parler de l'incident qui avait conduit le petit Roc chez Jean de Mirande. Mais il n'avait pas renoncé à aborder ce sujet, et il était temps d'y arriver, car Madame de Gange allait se lasser de l'entendre. Et quoi qu'il en eût dit, il ne songeait pas à la retenir de force, si elle se levait pour partir. Et emporté par la vivacité du dialogue qu'il avait entamé avec elle, il oubliait que Jean ne devait pas tarder à arriver sur la terrasse, conduisant l'enfant qui ne manquerait pas de trancher la question en reconnaissant sa mère, si elle était là. Il ne remarquait pas non plus que la marquise semblait s'attendre à un événement, car il lui était arrivé plus d'une fois, surtout au début de l'entretien, de regarder au loin, comme s'il eût guetté l'apparition de quelqu'un. Depuis que Paul s'était mis à la presser de questions embarrassantes, elle s'occupait moins de ce qui se passait sur la terrasse. Elle tournait moins souvent la tête, et elle ne cessait guère de regarder son interlocuteur en face, sans doute afin de deviner son arrière-pensée et de se tenir prête à la riposte. « Madame, reprit Cormier sans s'apitoyer sur les chagrins de cœur de la marquise, je vous ai parlé tout à l'heure d'un enfant que je croyais être à vous. Vous affirmez le contraire, et il se peut que je me sois trompé. Mais je ne vous ai pas dit que je l'ai vu hier, que je lui ai parlé, et que je sais où il est. Et comme Madame de Gange ne soufflait mot et baissait les yeux, il est chez quelqu'un que vous connaissez bien. » À ce moment, Roc sortit on ne sait d'où, arriva, courant à toutes jambes et sauta sur les genoux de la marquise en s'écriant « Maman Jacqueline, bonjour maman Jacqueline !» Et sans lui laisser le temps de se reconnaître, il lui jeta ses petits bras autour du cou et il se mit à la manger de caresses. Elle était très troublée, et il y avait de quoi, mais elle ne le repoussa pas, et elle lui rendit tendrement ses baisers. « Allons, pensait Cormier, elle avoue, parce qu'elle ne peut pas faire autrement. L'enfant est bien à elle, car si elle n'était pas sa mère, elle le chasserait. » « Tiens !» s'écria le petit garçon, dès qu'il fut rassasié d'embrassade. « Bonjour, monsieur, ça va bien depuis hier ?» Il avait tout de suite reconnu Paul. Quoiqu'il ne l'eût pas beaucoup vu la veille, et Paul, enchanté de l'incident, s'empressa de lui dire « Ça va très bien, et vous ? Avez-vous bien dormi chez notre ami ?»« Oh oui, je ne me suis réveillé que ce matin très tard, et j'ai été soigné chez lui comme chez maman Jacqueline. Il m'a mené déjeuner dans un café où il y avait des glaces partout. J'ai mangé des fraises tant que j'en ai voulu, des belles grosses. » Mais je suis joliment content, tout de même, de retrouver maman Jacqueline. Et où est-il, notre ami ? Il est venu avec vous au Luxembourg ? Oui, mais au bas de l'escalier de la terrasse, il a rencontré deux vilaines femmes, celles qui ont dîné avec nous hier. Il s'est mis à leur parler, ça m'ennuyait. Alors j'ai monté les marches à cloche-pied. Quand j'ai été en haut, j'ai vu maman Jacqueline, et me voilà. Il doit être inquiet de vous, vous ferez bien d'aller le chercher. Vous lui direz que je suis là. « Faut-il, maman ?» demanda Roc en interrogeant des yeux la marquise. « Va, mon enfant, » répondit-elle avec calme. Le gamin partit comme une flèche et se précipita dans l'escalier. Paul n'attendait que son départ pour entamer l'explication décisive. Madame de Gange le prévint. « Eh bien, monsieur, lui dit-elle, le voilà, cet enfant, que vous prétendez être à moi. Mais il me semble qu'il ne peut pas être à une autre. Pourquoi ? Parce qu'il m'appelle maman ?»« Maman Jacqueline, il ne vous connaît sans doute que sous ce nom-là. » « Le premier qui vous est venu à l'esprit quand je vous ai demandé l'autre jour, disiez-vous tout à l'heure ?»« Ce nom est à moi, j'en ai deux. Je m'appelle Marcel Jacqueline. »« Marcel pour le monde, Jacqueline pour votre fils. »« Vous persistez donc à croire que Roc est mon fils ? Oseriez-vous encore soutenir le contraire ?»« Oui, et je vous le prouverai bientôt. »« Alors c'est un enfant trouvé que vous avez adopté. »« Vous aviez déjà adopté une orpheline, c'est une manie. »« La manie d'aimer, murmura la marquise. » Ce fut dit si doucement que Paul fit un retour sur lui-même. Madame de Ganges, au lieu de se fâcher de l'accusation qu'il lui jetait à la face, répondait sans s'émouvoir et sans prendre la peine de se justifier. Il recommençait à se demander si cette attitude résignée, qu'il avait prise d'abord pour un aveu, n'était pas une preuve d'innocence, et il reprit d'un ton moins assuré. « Il est allé rejoindre un homme que vous connaissez, Jean de Mirande. »« Je le sais, mais il va revenir, et Mirande ne manquera pas de vous aborder. »« Je m'y attends. Que ferez-vous alors ?»« Vous le verrez. Maintenant, je vous prie de rester. Je désire que vous assistiez à l'entretien que j'aurai avec votre ami. Vous serez libre d'y prendre part. »« Quoi ? En présence de l'enfant ?» L'enfant jouera autour de nous, il ne comprendrait pas, et il ne cherchera pas à comprendre. J'espère que M. de Mirande n'amènera pas les femmes qu'il vient de rencontrer, ajouta en souriant tristement Mme de Ganges. Il suffira qu'ils vous aperçoivent pour qu'ils se débarrassent d'elles. Vous les avez déjà vues dimanche, elles étaient ici, et elles l'ont emmené. Je m'en souviens très bien. Mais depuis ce jour-là, il s'est passé des choses qui ont changé l'humeur de votre ami. C'est la grâce que je lui souhaite. « Je ne vous cacherai pas que je comptais le trouver ici, et je savais qu'il y conduirait l'enfant, qui nous a dit hier que sa mère y venait tous les jours. Sa mère, vous entendez, madame ?»« J'entends très bien, Hirok vous a dit la vérité. »« Alors c'est moi qui ne comprends plus, mais puisque tout va s'éclaircir, nous pouvons parler d'autre chose. »« De votre protégée, par exemple. Elle ne doit guère s'attendre à la nouvelle que vous allez lui apprendre, car je suppose que vous la verrez avant qu'elle ait vu cet excellent monsieur Lestrigou qui lui apporte 6 millions. » « Je la verrai certainement aujourd'hui. »« Et Lestrigou ne la verra que demain. Vous aurez donc le plaisir de lui annoncer qu'elle est millionnaire. Oserais-je vous demander si elle est mariée ?»« Non, monsieur, elle ne l'est pas. Elle ne manquera pas de prétendants. »« Je vais bien vous étonner en vous disant qu'on m'a mis sur les rangs sans me consulter. »« Vous ?» murmura Madame de Ganges en rougissant un peu. « Mon Dieu, oui. Et voici comme l'ami de monsieur Lestrigou s'intéresse beaucoup à moi. » Il rêve de me marier, et dès qu'il a su que M. Lestrigou connaissait une héritière, il s'est mis en tête de me la faire épouser. Il m'a prêché longuement, il m'a menacé de me donner sa malédiction si je me dérobais. Puis-je savoir ce que vous lui avez répondu? Que je ne voulais pas de sa millionnaire, qui très probablement, d'ailleurs, ne voudrait pas de moi. Ai-je eu tort? Non, monsieur, Bernadette ne veut pas se marier. Ni moi non plus. Tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes. « J'envie votre optimiste, soupira Madame de Ganges. Que ne puis-je vous y convertir? Il faudrait pour cela des événements qui n'arriveront pas. Mais il me semble que Roque tarde bien, pourvu que M. de Mirande nous le ramène. Vous pouvez y compter. Le petit sait que vous êtes là, et Mirande, qui l'adore, ne le quitterait pas pour un empire. Ah, il s'est déjà attaché à lui? C'est-à-dire qu'il en est fou. Il a découvert tout à coup qu'il a une vocation prononcée pour la paternité, et je le parierais qu'il a une peur atroce qu'on lui reprenne l'enfant. » Si la mère l'avait abandonné, il serait ravi, parce qu'il pourrait le garder, et si elle voulait le lui vendre, il l'achèterait au poids de l'or.